إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Aujourd'hui, on commence le cours numéro 20 dans l'explication de Cheikh Saleh Al-Fawzan du livre Iqtida Sirat Al-Mustaqim, Mukhalafatu Ashab Al-Jahim du Cheikh Ibn Taymiyyah, Rahimahullah. Et le commentaire de Cheikh Al-Fawzan s'intitule Al-Ta'liq Al-Qawim. Al-Ta'liq Al-Qawim à la kitab Iqtida Sirat Al-Mustaqim. Salman, tu peux me passer le petit livre ouais, celui-là, Barakallahu Fik. Naam. Naam. Donc on va continuer à partir de où on a laissé la dernière fois. Hein, le Cheikh Ibn Taymiyyah, il expliquait qu'on ne doit pas suivre les passions des kuffars, les passions des gens du livre, et puis il continue dans ce sens-là. Des preuves générales du Coran qui nous mentionne le fait qu'on ne doit pas leur ressembler, on ne doit pas être comme eux. Donc, Cheikh l'Islam, il explique qu'il y a des hadiths, et il y a des versets, il y a des hadiths qui sont généraux dans l'interdiction de ressembler aux kuffars, et il y a des versets et des hadiths qui sont spécifiques dans l'interdiction de ressembler aux kuffars, que ce soit les juifs ou les chrétiens, ou que ce soit les mushrikin, ummiyin, ceux qui n'ont pas reçu de livre, ou bien que ce soit les d'autres exemples parmi les kuffars, comme les philosophes ou autres. Et Cheikh l'Islam, il les a catégorisés, il les a mentionnés de toute façon dans les cours précédents. Là maintenant, il continue à donner d'autres exemples de preuves d'interdiction de ressembler aux kuffars et aux mushrikin. Et il dit, « Wa qala subhana, wa la takunu kalladhina tafarraqu » واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وهم اليهود والنصارى الذين افترقوا على أكثر من 70 فرقة ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن متابعتهم في نفس التفرق والاختلاف مع أنه صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أمته ستفترق على 73 فرقة نعم. Donc, qu'est-ce qu'il dit le Cheikh Ibn Taymiyyah? Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le verset 105, dans Surat Al-Imran, il dit, « Ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui ont divergé après que leur soit venue l'épreuve claire. » Soyez pas comme eux. Hein? Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dit, de qui on parle dans ce verset? C'est les juifs et les chrétiens. Ceux qui se sont divisés en plus que 70 sectes. Hein? Parce que, comme c'est mentionné dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les juifs se sont divisés en 71 sectes, les chrétiens se sont divisés en 72 sectes. Donc ils se sont divisés en plus que 70 sectes. Puis, le cheikh, il dit, et c'est pour cette raison que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de les suivre dans cette division et dans cette divergence. Alors que, malgré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que cette umma, la umma du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, allait se diviser en 73 sectes. Hein? Cheikh Al-Fawzan, il explique maintenant qu'est-ce que Ibn Taymiyyah vient juste de dire. Il dit, « Ya'ni, anna min jumlati ma naha Allahu من جملة ما نهانا الله أن نتشبه بالكفار في تفرقهم واختلافهم فإنهم تفرقوا فافترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وذلك كله بسبب اتباع الهوى. Donc, Cheikh al-Islam, il dit que de façon générale, ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit, c'est de ressembler aux kuffars dans leur division et dans leur divergence. Parce qu'ils se sont divisés. Et les juifs se sont divisés en 71 sectes, et les chrétiens se sont divisés en 72 sectes. Et tout ça, c'est à cause du fait qu'ils ont suivi leur passion. Tout ça, c'est uniquement à cause du fait qu'ils ont suivi al-ahwa. Ittiba' al-ahwa. C'est-à-dire, al-ahwa, c'est le pluriel du mot hawa, qui veut dire la passion, les désirs. Ok? Donc, le cheikh, il dit, وَمَا كَانَ لَهُمْ أَن يَتَفَرَّقُوا لَوْ تَمَسَّكُوا بِالتَّوْرَاتِ وَالْإِنْجِيلِ قال الله عز وجل محذرا لهذه الأمة من التشبه بأعدائها ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأنتم أيها المسلمون قد جاءتكم البينات يعني القرآن الكريم والسنة النبوية فلا تتفرقوا تبعا للأهواء والرغبات والعصبيات وإنما كونوا أمة واحدة قال تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون والله جل وعلا يريد لنا الاجتماع والوحدة والقوة فقال سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والتفرق والاختلاف شر مستطير. Donc le cheikh il explique ensuite, il dit que يعني la raison de leur division, comme on a expliqué, c'est le fait qu'ils suivaient les passions et ils n'avaient pas le droit de se diviser. Ils n'avaient pas le droit de se diviser et s'ils avaient suivi la Torah et l'Injil comme il faut, et sincèrement, ils ne se seraient pas divisés. Tant qu'ils seraient restés accrochés à la Torah et à l'Injil. Allah subhanahu wa ta'ala dit en avertissant de ne pas ressembler, en avertissant cette umma, la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de ne pas ressembler à ses ennemis, Allah dit, et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui ont divergé après que leur soit venue l'épreuve claire. Le cheikh, il explique, il dit le verset, paraphrase le verset pour expliquer son sens. Il dit, les musulmans, les preuves claires vous sont venues. Hein? C'est-à-dire le Coran, le noble Coran et la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ne vous divisez pas en suivant vous aussi les passions, les désirs et le fanatisme, les différentes formes de fanatisme. Mais soyez plutôt une nation unique. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 92 dans Sourate Al-Anbiya, cette umma, cette umma qui est la vôtre n'est qu'une seule umma. Et je suis votre Seigneur, alors adorez-moi. Et Allah, dans le Coran, il nous dit que ce qu'il veut pour nous, en réalité, c'est qu'on soit unis, qu'on soit ensemble, qu'on soit rassemblés, qu'on soit réunis et qu'on soit forts. Il veut la force pour nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, cramponnez-vous tous, wa'tasimu, al-i'tisam. Le terme de al-i'tisam, ça veut dire de rester accroché, ferme, de se cramponner, tous ensemble. Et c'est ça, je ne sais pas si vous vous souvenez peut-être la dernière fois que Cheikh Al-Umaysan il est venu, il mentionne le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit wa'tasimu bihablillahi jami'an, et il a dit cramponnez-vous tous au câble d'Allah. Mais en français, quand on le traduit, on dit cramponnez-vous tous, alors que dans l'arabe on dit plutôt et cramponnez-vous au câble d'Allah tous. C'est pour dire que le fait de se cramponner au câble d'Allah vient avant le thème de nous unir tous, dans le sens que pour faire comprendre que le plus important dans le fait d'être uni, c'est pas d'être uni, mais c'est d'être uni sur la vérité, sur le câble d'Allah. Hein? Et c'est ça un petit point en passant pour faire comprendre la notion de l'unification et de l'unité dans l'islam. Que c'est pas juste le fait d'être uni pour être uni, mais c'est d'être uni pour être uni sur la vérité. Et le cheikh explique également, et il dit que, ensuite Allah dit « Wala tafarraqu » et ne vous divisez pas. Donc le fait de se diviser, c'est quelque chose qui est haram, c'est une interdiction. Hein? Et le cheikh dit donc la division et la divergence, c'est quelque chose de mauvais. Et juste en passant, une note ici, c'est que tu vois que par exemple, il y a des gens qui aujourd'hui, parmi les gens de Bid'a et de Hizbiya, qui sont en train d'appeler les musulmans à dire qu'il faut accepter le pluralisme d'idées, le pluralisme de croyances, c'est-à-dire que dans la société, s'il y a différentes sectes, s'il y a différentes religions, s'il y a différentes croyances dans un pays musulman, c'est pas grave. Il faut accepter toutes les tendances, toutes les idées, toutes les sectes, toutes les divergences, puis vivre ensemble et s'unir sur des causes. Travailler ensemble sur les choses sur lesquelles on est d'accord. Hein? Et ça, c'est le slogan des Ikhwan, comme vous le savez. Donc ça, c'est de l'égarement total. Mais malgré tout, malgré que c'est quelque chose qui est clairement en opposition avec le Coran et la Sunna, tu trouves encore des ignorants et des égarés qui contredisent ouvertement les textes clairs du Coran et de la Sunna à ce sujet-là. Le Cheikh Al-Fawzan il dit ensuite ولكن مع كل هذا التحذير من الله عز وجل من التشبه باليهود والنصارى في تفرقهم واختلافهم واتباع الهوى إلا أن طوائف من الأمة أبت إلا المشابهة والمضاهة لهم وذلك بعد أن قامت عليهم الحجة والبرهان فأي عذر لهم بعد ذلك. C'est ce que le cheikh explique ici. Il dit, mais malgré tout cet avertissement de la part d'Allah, hein, du fait de ne pas ressembler aux juifs ou aux chrétiens dans leur division et dans leur divergence, et dans le fait qu'ils suivent leur passion, Allah nous a mis en garde contre ça. Verset après verset, à chaque fois, il nous met en garde contre ces choses-là, excepté qu'il y a des groupes parmi cette Ummah qui refusent obstinément de faire autre chose que de leur ressembler et de les imiter. Hein, et ça même après que la preuve et l'évidence a été établie contre eux. Donc qu'est-ce que ces gens-là ont comme excuse après cela, après toutes ces preuves? Après le cheikh il dit wa amma qawluhu anna ummatahu sataftariqu ala akthar min 70 laysa al maqsoud al tahdid fal firaq akthar min hadha bikathir lakin أهل العلم يقولون إن هذه الفرق هي أصول الفرق ثم إنها تشعبت وتفرقت إلى فرق أخرى فالمقصود أن الأمة إن اعتصمت بكتاب ربها وسنة نبيها لم تتفرق ولم تختلف. Donc ça c'est un point important que le cheikh mentionne ici. Dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit que cette umma va se diviser en 73 sectes, le cheikh il dit à ce sujet-là, il dit, le but dans ce hadith, c'est pas de délimiter ou de préciser un nombre spécifique de sectes. Comme par exemple, de dire, il y aura 73 sectes, puis que c'est un nombre fixe et précis. Qu'il y aura toujours ce nombre-là et que c'est, il n'y en aura pas plus, il n'y en aura pas moins. C'est pas ça le but du hadith. Le cheikh, il dit, en réalité, les sectes sont beaucoup plus que 73. Les sectes dans cette Ummah sont beaucoup plus que 73. Mais les hommes de science, lorsqu'ils disent que ce sont les sources ou les bases de ces sectes qui sont 73, sinon les 72 sectes d'égarement, elles ont des embranchements et par la suite elles se divisent et elles se multiplient en d'autres sectes. Donc il peut y en avoir des milliers de sectes. c'est pas nécessaire que ce soit uniquement 73 ou 72, hein. Il y en a plus que ça. Et le but, c'est de faire savoir qu'il y en a une qui est sur la vérité. C'est celle qui suit ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a suivi, ainsi que ses compagnons. Et donc, le cheikh, il dit, donc le but, c'est que si cette umma se cramponne fermement au livre d'Allah, hein, au livre de son Seigneur et à la sunna de son prophète, elle ne se divisera pas et elle ne divergera pas. Hein? Même si les gens se divisent, eh bien, yani, la umma reste unie. Et il y a une chose aussi qui est importante à comprendre quand on parle de la umma. On ne parle pas de la umma limitée dans une époque comme par exemple aujourd'hui. Hein? Par exemple en l'an 2014 aujourd'hui. La umma, c'est à travers le temps, depuis la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la fin des temps. C'est ça la umma, à travers le temps et dans les différents endroits où il y a des gens qui s'accrochent à la vérité, à travers les siècles et dans les différents endroits. Donc, tout ça, c'est la umma. Donc, ça veut dire que si aujourd'hui on est quelque part puis on est peu, ça ne veut pas dire que la umma est peu ou qu'on est peu nombreux. Nous, en tant que musulmans salafis sur la vérité. Puisqu'il faut regarder ça dans le temps aussi. On est une seule umma, même si on est séparé par le temps. Tu comprends? On est une seule umma, c'est-à-dire que nous, ainsi que les sahaba et tous ceux qui vont vivre et qui vont être sur la sunna jusqu'à la fin des temps, nous formons un seul groupe sur la vérité, même si on est séparé dans le temps et dans l'endroit. C'est ça qui est important à comprendre. Le cheikh, il dit ensuite, « مع أن قوله صلى الله عليه وسلم لا تكن مثل فلان قد يعم مماثلته بطريق اللفظ أو المعنى وإن لم يعم دل على أن جنس مخالفتهم وترك مشابهتهم أمر مشروع ودل على أنه كلما بعد الرجل عن مشابهتهم فيما لم يشرع لنا كان أبعد عن الوقوع في نفس المشابهة المنهي عنها وهذه مصلحة جليلة. Donc Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit que des fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ne sois pas comme un tel, ne sois pas comme tel ou tel groupe ou telle personne. Il dit, cette interdiction-là du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'être comme ou de ressembler à quelqu'un ou à un groupe, il dit, ça se peut que ce soit général, une interdiction générale, pas seulement pour l'exemple de la personne en question, mais pour tout ce qui ressemble, hein, et tout ce qui est semblable à cette ressemblance-là. Donc, le cheikh, il explique que ça se peut que l'interdiction soit générale, soit dans son terme ou dans son sens. Et si ce n'est pas général, le fait que cette sorte d'interdiction, cette sorte d'imitation ou de ressemblance au kuffar a été interdite et qu'on ait ordonné de ne pas leur ressembler dans cette chose-là, eh bien, ça c'est comme pour dire que plus tu t'éloignes de leur ressembler, si c'est dans quelque chose qui est légiféré, si c'est quelque chose, si tu t'éloignes de qu'est-ce qui n'a pas été légiféré pour nous, eh bien c'est encore mieux pour t'éloigner de toute ressemblance possible. C'est-à-dire que par exemple, s'il y a des choses qui nous ont été légiférées et que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit par exemple de ressembler à tel ou tel individu dans une chose précise, si on cesse de leur ressembler également dans les choses qui n'ont pas été légiférées, eh bien c'est quelque chose qui nous aide à nous éloigner encore plus de la ressemblance. Le cheikh il dit, يعني أن التشبه يختلف فقد يكون تشبها كثيرا وقد يكون تشبها قليلا وكله منهي عنه لأن التشبه القليل يجر إلى التشبه الكثير. هو مخالفة ولو كان قليلا فالأصل أن لا يتساهل المسلم في أمر التشبه سواء كان التشبه في العادات في العبادات أو في العادات الخاصة بهم فإنا منهيون عن التشبه بهم في أي شيء من خصائصهم وبأي وجه من الوجوه. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il dit qu'il y a différentes formes de ressemblance aux kuffars. Il y a des ressemblances qui sont, disons, tu ressembles beaucoup dans quelque chose avec les kuffars, et il y a d'autres ressemblances, tu ressembles juste un petit peu, pas beaucoup. Hein? Mais le Cheikh, il dit, on a été interdit de toute forme de ressemblance. Que ce soit beaucoup ou un peu seulement. Parce que si tu rentres dans la ressemblance au kuffar dans un peu de ce qui leur ressemble, ça va t'amener, au fur et à mesure ou à la longue, à leur ressembler dans beaucoup de choses. OK? Et donc, on est ordonné de se distinguer d'eux et de ne pas leur ressembler, même dans ce qui est un peu. Il dit que la base, c'est qu'on ne doit pas prendre la question de la ressemblance au kuffar à la légère. Le musulman ne doit jamais prendre la question du fait de ressembler au kuffar à la légère, que ce soit dans la ressemblance au kuffar dans ce qui est relié aux adorations, ou dans les habitudes ou les traditions ou les coutumes qui leur sont particulières. Nous sommes tous, donc on a tous été interdits de leur ressembler dans quoi que ce soit de ce qui est particulier pour eux, que d'une façon ou d'une autre. D'accord? Donc c'est ça ce que Cheikh l'Islam veut dire ici. C'est pour dire que il y a des choses dans lesquelles tu vas leur ressembler. Il y en a qui sont des choses spécifiques qui ont été interdites. Mais ce qui a été interdit de leur ressembler dans qu'est-ce qui est spécifique, ça confirme la règle qu'on doit ne pas leur ressembler dans le reste des choses aussi. Pas seulement dans qu'est-ce qui est mentionné spécifiquement. Et là, le Cheikh, il mentionne d'autres versets qui sont plus généraux sur le fait de ne pas leur ressembler les kuffars et de ne pas les suivre. Il donne l'exemple suivant, dans les versets suivants. إذ ذي وقال سبحانه لموسى وهارون فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وقال سبحانه وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم إلى غير ذلك من الآيات. Donc le Cheikh, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Moussa et à Haroun, fastaqima, mettez-vous droit, soyez droit, et ne suivez pas tous les deux, c'est-à-dire Moussa et Haroun, ne suivez pas tous deux la voie de ceux qui ne savent pas. L'interdiction à Moussa et à Haroun de suivre la voix des gens qui ne savent pas, c'est une interdiction pour nous aussi, de suivre ceux qui ne savent pas. Après, il dit dans un autre verset, c'était le verset 89 dans Surat Yunus, le verset 142 dans Surat Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et Moussa a dit à son frère Haroun, « Ukhlufni fi qawmi, succède-moi dans mon peuple, et réforme, et ne suit pas la voie des gens qui font la corruption, qui font le désordre, al-mufsidun. Voilà, tattabi' sabil al-mufsidin. Dans un autre verset, le verset 115 dans Surat al-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ quiconque fait scission avec le messager, s'oppose à lui, après que la guidance lui a été clarifiée, et qui suit autre que la voie des croyants, c'est-à-dire la voie des sahaba, nous le laisserons se détourner tel qu'il s'est détourné, et nous le brûlerons dans l'enfer. Et il dit wa ila ghayri dhalika min al-ayat, c'est-à-dire ainsi que beaucoup d'autres parmi les versets. Donc le cheikh il explique ensuite ces versets-là. Cheikh Al-Fawzan il nous donne un petit tafsir de ces versets-là selon le contexte, selon le sujet. Il dit amara Musa wa Harun alayhim assalam bil istiqamati ala kitab Allah ay at-Tawrah wa nahahuma عن اتباع سبيل الذين لا يعلمون وهذا يدل على أن من خالف ما أنزل الله فهو جاهل وإن ادعى العلم. Donc le cheikh il dit Allah a ordonné à Moussa et à Haroun, que la paix d'Allah soit sur les deux, de rester droit sur le livre d'Allah, c'est-à-dire la Torah, et il l'a interdit à tous les deux de suivre la voie de ceux qui ne savent pas. Le cheikh il dit, ça c'est la preuve que toute personne qui contredit ce que Allah a révélé, alors c'est un ignorant. Toute personne qui contredit ce que Allah a révélé, alors c'est un ignorant, même s'il prétend posséder la science. Même s'il prétend posséder la science. Après le cheikh il dit, Wallahu jalla wa ala yaqul, فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون فأي إنسان يأتي بشيء يظن أنه خير وهو في حقيقته مخالف لما في كتاب الله فإنه ضلال وشر ولو كان يظن عكس ذلك. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne pour confirmer que celui qui contredit la révélation d'Allah, c'est un ignorant. Il dit فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a d'autre que l'égarement après la vérité? Après la vérité, qu'y a-t-il d'autre que l'égarement? Il n'y a rien d'autre que l'égarement après la vérité. فَأَنَّا تُصْرَفُونَ, comment pouvez-vous être détourné? Ça c'est le verset 32 dans Sourate Yunus. Donc le cheikh il dit, donc n'importe quel être humain qui ramène quoi que ce soit et qui pense que c'est du bien, hein, mais que dans sa réalité c'est en contradiction avec ce qui est dans le livre d'Allah, alors c'est de l'égarement et du mal, même si la personne pense le contraire. D'accord? Toute chose qui est contraire au livre d'Allah, c'est du mal et de l'égarement, même si la personne va penser que c'est le contraire. Si tu appliques cette règle par rapport à n'importe quoi que les koufars peuvent ramener ou les mouchriquines, hein, qu'est-ce qu'ils ramènent, que ce soit des koufars, des juifs ou des chrétiens, ou que ce soit des mouchriquines parmi les gens qui adorent des idoles, ou que ce soit des athées ou des laïcs ou des communistes ou des socialistes ou des athées, peu importe qu'est-ce qu'ils amènent, hein, et ils pensent que c'est du bien et ils le présentent aux hommes, si ça contredit ce qui est dans le livre d'Allah, c'est de l'égarement, peu importe. D'accord? Si les musulmans aujourd'hui on applique cette règle là on n'aura plus de problème avec quoi que ce soit de ces gens là mais malheureusement il y a beaucoup de musulmans qui manquent de science et qui se laissent égarer à cause de ça par toutes sortes d'idéologies ou de principes qui sont contraires au Coran, mais ils ne savent pas des fois que c'est contraire au Coran, alors ils sont égarés à cause de ça. Donc ça c'est un problème et c'est ça la voix des gens qui ne savent pas. C'est de ça que Allah nous avertit dans le Coran. Beaucoup de gens ont fait des études chez les koufars, ils connaissent leur système de A à Z. Mais étant donné qu'ils n'ont pas étudié la aqida et le tawhid et le manhaj et l'islam dans ses principes et dans ses fondements, eh bien, ils prennent des choses et ils pensent que c'est bon. Et il y a des choses qu'ils rejettent et pensent que c'est mauvais alors que c'est bon. À cause de l'ignorance. Le cheikh il dit, فَأَيُّ إِنْسَانٍ يَأْتِ بِشَيْءٍ. Donc on l'a dit. Après il dit, même si la personne pense le contraire, et il dit, قال سبحانه ولا تتبعن سبيل الذين لا يعلمون وهذا منهج يجب أن يسلكه المؤمنون في كل زمان ومكان وهو التمسك بما أنزل الله وترك سبيل المخالفين لأنهم على ضلال إن تركوا منهج الله واتبعوا غيره. Donc le cheikh il dit que dans la fin du verset, du premier verset qu'on a mentionné, ou bien le deuxième plutôt, non le premier, voilà tattabi'an, oui c'est ça, le premier verset qu'on a mentionné, Allah subhanahu wa ta'ala dit à la suite, donc de qu'est-ce qu'on a lu tantôt, et ne suivez pas vous deux, c'est-à-dire Allah s'adresse à Moussa et à Haroun, et dit et vous deux, ne suivez pas la voix de ceux qui ne savent pas. Donc ça c'est la méthodologie qui est obligatoire à chaque musulman parmi les croyants de suivre, hein, à toute époque et en tout lieu, de ne pas suivre la voix de ceux qui ne savent pas. Et c'est-à-dire qu'on doit s'accrocher toujours à ce que Allah a révélé et de laisser et d'abandonner la voix de ceux qui contredisent la révélation parce qu'ils sont dans l'égarement. Hein? Et parce qu'ils ont abandonné la méthodologie d'Allah et qu'ils ont suivi autre que sa voix. Donc souvent c'est ça, tu vois. Les gens qui contredisent la révélation d'Allah sont comme comparables à des aveugles. Hein? Sont comparables à des aveugles. Puis celui qui juge selon la révélation d'Allah, c'est celui qui voit. Mais qu'est-ce qui se passe parfois? C'est que ceux qui sont aveugles veulent établir, eux, leurs lois et leurs règles et imposer à ceux qui voient de les suivre. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Souvent, c'est ça. C'est à cause de la faiblesse de la foi ou de l'ignorance de certains musulmans, eh bien, ils décident, oui, on va fermer les yeux comme les aveugles, puis on va les suivre, les aveugles. Hein? Parce qu'ils ont l'air de savoir qu'est-ce qu'ils font. Hein, malheureusement, c'est pas le cas. Mais à cause de l'ignorance, à cause de la passion, à cause des désirs, à cause de la faiblesse de la foi, c'est ça ce qui arrive. Allah musta'an. Le cheikh il dit ensuite: Amma qawluhu wa qala Musa li akhihi Harun ukhlifni fi qawmi wa aslih wa la tattabi' sabila al-mufsidin. Lamma arada Musa alayhi salam an yadhhaba ila maw'id Allah حيث وعده أن يعطيه صحائف التوراة كما قال سبحانه وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة أوصى أخاه هارون وهكذا ينبغي لولي الأمر إذا أراد أن يترك رعيته لبعض شأن أن يوصي ويتخلف من يقوم مقامه. Donc le cheikh il dit, la parole dans l'autre verset qui suit, c'est la parole d'Allah lorsqu'il dit ce qui signifie, et Moïse a dit à son frère Haroun, succède-moi, c'est-à-dire garde mon peuple, sois celui qui va être mon successeur dans mon peuple pendant qu'il allait rencontrer son Seigneur, hein, dans le rendez-vous qu'il avait avec Allah subhanahu wa ta'ala pour recevoir les lois. Donc, ukhlifni fi qawmi, soit celui qui va être responsable de mon peuple en mon absence, hein, soit mon successeur, et réforme, c'est-à-dire amène le bien, corrige le mal et amène le bien, hein, juge bien parmi eux, et ne suis pas la voix des gens qui font le désordre et qui font la corruption. Parce que Moussa, alayhi salam, voulait aller rencontrer son Seigneur dans le rendez-vous qu'il avait, hein, et Allah devait lui donner les tables des lois de la Torah. Alors, comme c'est mentionné dans le verset 142, dans Surat al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et nous avons donné à Moussa un rendez-vous pendant 30 nuits. Hein, pendant 30 nuits, et nous l'avons complété de 10 de plus, et donc la rencontre de son Seigneur était de 40 nuits. Donc pendant 40 nuits, Moussa alayhi salam s'est absenté. Pendant son absence, pendant son absence, il a enjoint à son frère Haroun de prendre sa place. Et ça, c'est ainsi que doit agir tout dirigeant musulman. Tout dirigeant musulman qui est responsable d'un peuple, il doit désigner quelqu'un lorsqu'il doit laisser son peuple. Il doit désigner quelqu'un qui, pendant son absence, va être son successeur et qui va prendre sa place. Alors, Moussa alayhi salam a dit à son frère, hein, il dit, « Moussa qala li akhihi, ukhlifni fi qawmi, ay kun khalifatan ba'di fi siyasati bani Israël. » C'est-à-dire, il dit à son frère Haroun, « Sois mon successeur dans mon peuple. » C'est-à-dire, « Sois celui qui va me succéder après moi dans la façon de gérer les affaires des fils d'Israël. » Il dit, « قال الله تعالى, اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين فإن موسى هنا يضع المنهج لمن سيخلفه ثم قال له وأصلح أي أصلح فيهم والإصلاح إنما يكون وفق كتاب الله وسنة رسوله وقال ولا تتبع سبيل المفسدين فإن طريق المفسدين عكس الإصلاح فعليك أن تتمسك بهدي الوحي ولا ترجع في حكمك إلى أهواء الناس ورغباتهم فإن كثيرا من الناس يرغبون عن التمسك بالشرع لأنه ربما يخالف أهواءهم ورغباتهم ولا تتبع سبيل المفسدين أي لا يكون عندك مستشارين من المفسدين بل اتخذ بطانة صالحة أي رأي أهل رأي وتدبير وحسن سياسة وتجنب البطانة السيئة البطانة السيئة لأنهم من المفسدين. الشيخ explique, il dit, parce que Moussa alayhi salam, quand il dit à son frère, succède-moi dans mon peuple et réforme et ne sois pas de ceux qui suivent la voie des corrupteurs, ne suis pas la voie des corrupteurs, il est en train de lui tracer la méthodologie à suivre. Et c'est comme ça que le dirigeant doit agir envers celui qui va le succéder. Il doit lui indiquer quelle voie il doit suivre après lui, quelle méthodologie il doit prendre. Puis il lui dit « wa aslih ». Et « al-aslih » c'est le verbe impératif. Du mot islah qui signifie de réformer, de corriger, d'améliorer, hein, de changer les choses pour le mieux, hein, d'arranger les choses. Donc c'est ça al-islah. Et il ordonne à son frère de faire ça. Et Cheikh Al-Fawzan explique que al-islah, ça peut uniquement être fait selon ce qui est en accord avec le livre d'Allah et la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit ensuite, Allah dit, et ne suis pas la voie des corrupteurs, des gens qui font le désordre. La voie des gens qui font le désordre, c'est le contraire de ceux qui font la réforme et qui veulent arranger les choses et corriger les choses. Donc il lui dit, accroche-toi, hein, à la guidance de la révélation et ne retourne pas dans ton jugement entre les hommes à la passion et au désir de ce que les gens veulent, parce que beaucoup de gens ils désirent autre chose que de s'accrocher à la révélation. Ils désirent plutôt suivre leur passion et leur désir. Donc, et souvent la révélation d'Allah vient contredire les passions et les désirs des gens. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne suis pas la voie des corrupteurs, des gens qui font le désordre, qui font la corruption. C'est-à-dire, yani, quand tu vas prendre des conseillers et tu vas prendre des gens qui vont te donner des conseils dans ton jugement, ne prends pas des conseillers qui sont des corrompus, des gens de corruption, mais fais en sorte que ton entourage, tes gens qui vont être proches de toi, soient des gens de bien, des gens qui ont des opinions et une gestion des choses et une politique qui est propre. Et écarte-toi d'un entourage qui est mauvais, parce que ce sont les corrupteurs. Naam. Donc ça c'est très très important. Ensuite le cheikh il dit wa amma qawluhu wa man yushaqiq ar-rasul min ba'd ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabil al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam ay man salaka ghayra tariq ash-shari'ah allati ja'a biha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam sara fi shaqqin wa ash-shar'u fi shaqqin wa dhalika عن عمد منه بعدما ظهر له الحق وتبين واتضح له الأمر نوله ما تولى ونسله جهنم أي إذا سلك هذه الطريق جازيناه على ذلك بأن نحسنها في صدره ونزينها استدراجا له وبالتالي فالنار سيصلاها لأن من خرج عن الهدى لم يكن له طريق إلا النار يوم القيامة أما الذي خالف من غير قصد المخالفة كمن أخطأ أو جهل فإنه يعذر فالجاهل يعلم والناس يذكر للشيخ الزي il mentionne la parole d'Allah dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie et quiconque fait scission avec le messager et après que la guidance lui a été clarifiée et qui suit autre que la voie des croyants nous le laisserons se détourner tel qu'il s'est détourné et nous le brûlerons en enfer. Le cheikh il dit que ça signifie quoi? Ça signifie que toute personne qui suit autre, qui emprunte autre que la voie de la charia par laquelle ou avec laquelle notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, c'est comme s'il s'était placé sur un côté, hein, sur un front, et c'est comme s'il avait mis, il s'était mis sur un front et il a mis la charia en face de lui comme pour la mettre en opposition à lui-même. C'est comme si d'un côté il y a la révélation d'Allah et il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il y a la charia et toi tu te mets de l'autre côté opposé en face de ça comme si tu es contre et en opposition. C'est ça que ça veut dire yushaqiq. Yani ant ash-shar fi shaq wa anta fi shaq akhar. C'est comme si tu te mets, c'est comme si tu es séparé par une falaise ou quelque chose entre les deux, puis il y a deux. Toi, tu te mets d'un côté et la charia est de l'autre. Hein? C'est ça que ça veut dire, yani, un yushaqiq. Donc, il dit le cheikh que la personne qui fait ça, et qui le fait en même temps avec intentionnellement, c'est-à-dire elle le fait expressément et volontairement, c'est-à-dire qu'elle va opposer la charia avec yani connaissance après que la vérité lui a été clarifiée et qu'elle elle est devenue apparente pour lui et que les choses ont été claires pour lui. Allah subhanahu wa ta'ala, quand une personne agit de cette façon-là, elle s'oppose à la charia, elle s'oppose au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle s'oppose à la voie des croyants. Après que les choses ont été claires pour cette personne, Allah va le laisser se tourner tel qu'il s'est détourné et va le brûler en enfer. Le cheikh Al-Fawzan, il explique qu'est-ce que ça signifie. Qu'il va le laisser se détourner tel qu'il s'est détourné, ça veut dire que lorsque la personne a emprunté cette voie, hein, de s'opposer à la révélation, il aura comme rétribution que yani, Allah subhanahu wa ta'ala va lui faire embellir en lui-même l'égarement qu'il a choisi d'emprunter. Il va l'avoir en lui-même comme si c'était quelque chose de beau et de bien et de bon, dans le but de l'égarer encore plus ou plutôt de le laisser s'enfoncer encore plus dans son égarement. Hein? Et donc, il brûlera en enfer parce que celui qui sort de la guidance, hein, alors il n'a pas d'autre voie que la voie qui mène à l'enfer au jour de la résurrection. Tandis que celui qui a contredit la voix du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et la voix des croyants, mais qu'il ne l'a pas fait intentionnellement, il a contredit la vérité par erreur ou par ignorance, celui-là, il sera excusé. Parce que, il savait pas. Il a fait une erreur. Et la personne ignorante, elle doit être enseignée. On doit lui enseigner. Parce que, yani, les gens, parfois, ils ignorent des choses. Donc, l'ignorant, tu ne peux pas le blâmer de la même manière que la personne qui sait et qui connaît. Et la personne qui a oublié, tu lui rappelles. Hein? Après, le cheikh, il dit, « قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين يعني أنه بعد اتباع كتاب الله وسنة رسوله يتبع الإجماع فالإجماع أصل من أصول الاستدلال لأن أصول الأدلة الكتاب والسنة والإجماع فبعد الكتاب والسنة يؤخذ بالإجماع فمن خالف إجماع المسلمين فإنه قد ضل كما قال سبحانه ويتبع غير سبيل المؤمنين توعده الله بقوله نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Donc on va traduire ça. Le cheikh explique, il dit, et ensuite dans le verset on voit que Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie et qui suit autre que la voie des croyants, c'est-à-dire celui qui fait opposition ou scission avec le messager après que la vérité lui a été clarifiée et qui suit autre que la voie des croyants, c'est-à-dire après avoir suivi le livre d'Allah et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'on doit suivre aussi? C'est l'ijma, c'est-à-dire le consensus des ulama, des salafs, hein, des sahaba. Et ça, c'est un des fondements parmi les fondements des preuves de la sharia. C'est-à-dire que parmi les fondements, selon Ahl Sunnah al-Jama'a, les fondements des preuves de la sharia, c'est premièrement le Coran, deuxièmement la Sunna, et certains ulama disent que le Coran et la Sunna, c'est un seul, en réalité, dans le sens, c'est une seule, dans le sens que les deux, c'est la révélation principale, Coran et Sunna. Puis, ils disent, et ensuite, l'ijma, le consensus, hein, le consensus des Sahaba. Hein, et il dit, ça c'est un des fondements parmi les fondements des preuves. Personne n'a le droit de contredire l'ijma. Personne n'a le droit de contredire les choses sur lesquelles tous les Sahaba étaient d'accord là-dessus. Ok? Donc si les ulama étaient tous d'accord sur quelque chose, personne n'a le droit par la suite de venir pour inventer une autre position, différente de leur position. C'est pour ça que c'est important de connaître les preuves de l'ijma. Et ça, ça prouve qu'on est obligé également de suivre les salafs. Puisque s'ils étaient tous d'accord sur la aqida et sur le manhaj, quelqu'un ne peut pas venir après eux puis dire « Non, nous, on amène une autre aqida différente. » Ou « On change des choses dans notre manhaj qui sont différentes du manhaj des sahaba. » Si quelqu'un fait ça, c'est clair qu'il est dans l'égarement. Et c'est pour ça que le cheikh, il dit, donc, après le Coran, après la sunna, on doit prendre le consensus, l'ijma. Et celui qui contredit l'ijma des musulmans, alors certes, il s'est égaré. Hein? Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلُ الْمُؤْمِنِينَ celui qui suit autre que la voie des croyants. Ça, c'est la preuve qu'on n'a pas le droit de contredire la voie des croyants. Parce que c'est l'ijma, c'est le consensus. Et Allah a menacé celui qui contredit la voie des croyants, l'ijma, que Allah allait le détourner tel qu'il s'est détourné et le brûler dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination. وَسَاءَتْ مَصِيرًا فَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَى يَتْرُكُهُ يَتْرُكُهُ وَضَلَالَهُ يَهِيمُ فِي الضَّلَالِ عُقُوبَةً لَهُ لِأَنَّهُ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ وَخَالَفَ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وخالف إجماع المسلمين ففي هذا دليل على حجية الإجماع وقد استدل الأصوليون بهذه الآية على ذلك فإن من خالف الإجماع ضل وعرض نفسه للوعيد بل قالوا إن من خالف الإجماع يكفر يعني يكفر c'est grave Donc le cheikh il explique, il dit, donc Allah subhanahu wa ta'ala, il le laisse. Celui qui contredit la voix des croyants, Allah le laisse dans son égarement. Il le laisse errer dans l'égarement comme châtiment pour lui. Ça c'est une punition pour lui. Parce qu'il a contredit le livre d'Allah, il a contredit la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et il a contredit le consensus des musulmans. Il y a une preuve dans cela, que l'ijma est une preuve dans la sharia. Et les savants de usul, al-usuliyoun, ceux qui sont spécialisés dans usul al-fiqh, ils mentionnent ce verset comme preuve que l'ijma c'est un des fondements de la sharia d'Allah. Hein, et que c'est un dalil, que c'est une preuve. Et donc, celui qui contredit l'ijma, il s'est égaré. Et il s'est mis sous la menace. Hein, il a mis son âme sous la menace. Même que certains d'entre les ulama ont dit que celui qui contredit le consensus, il rejette l'âme. Il a tombé dans le kufr. Il a tombé dans le kufr. Donc ça c'est certain. Que si les musulmans contredisent certains éléments dans l'ijma, hein, ils peuvent y sortir de l'islam complètement. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Et on continuera après demain pour ce livre, puis demain il y aura l'explication du livre qui s'appelle Adab al-Mashi, l'explication, le sharh de Adab al-Mashi et la Salat. C'est un livre de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab sur le fiqh. Et c'est fiqh salat et zakat et somme. Oui, salat, zakat et somme. Et c'est expliqué par le cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad. Ok, naam. Cheikh Raslan, peut-être on va le faire la fin de semaine. Ok, inshallah, subhanakallah, bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.